Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois un projet merveilleux qui suit un plan pas trop éloigné du mien, creusé assez loin que pour laisser une trace, pour que dans 10, 20, 50 ou 100 ans, les membres de nos familles choisies puissent savoir ce qui se passait en 2025 en Belgique du côté du drag. À la manœuvre, une femme qui arpente nos coulisses et boit nos paillettes depuis de nombreuses années. Le plan au départ était de ne recevoir qu'elle, mais comme souvent dans nos milieux, ça a un peu dérapé, et tant mieux. Aujourd'hui, je reçois donc une partie de l'équipe du documentaire Famille Choisie. Bonjour Elisa. Bonjour, bonjour. Bonjour Lilibeth. Hello. Et bonjour Joy. Et coucou. Ah oui, est-ce qu'on dit Joy ou Mama Tituba aujourd'hui? Bah, on est entre nous, on peut dire Joy. Très bien. Et Lilibeth, Lily? Lilibeth. Lilibeth, c'est bien. Très bien. Ça va, vous allez bien? Oui, ça oui. Va, chaudement. Chaudement, mais très bien. Oui, il fait chaud en ce début d'été. Merci pour ce beau documentaire que vous nous livrez. C'est vraiment, moi, je l'ai vu il y a quelques semaines et c'était très émotionnant. Et en plus, je trouve ça super parce que autant, je trouve que c'est un documentaire qui parle autant à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose qu'à des personnes qui sont les deux pieds dans le milieu. Mm-hmm. Et ça, c'est déjà pas évident, j'ai l'impression, à réaliser comme objet. Mais du coup, je vais commencer par m'adresser à toi, Elisa, la réalisatrice du documentaire. Comment ça s'est construit ? Eh bien, on en parle souvent, c'est une question qui revient souvent. Mais en fait, Famille Choisie, c'est né pendant le Covid. Je découvre un show drag dans un squat qui s'appelle Not Allowed Glitter's Time. Et je vois une femme superbe avec une robe blanche, presque de mariée, des longs cheveux, une belle barbe. Et qui est en train de passer des enregistrements de sa grand-mère, qu'elle ne peut plus voir pour des raisons personnelles. Et on sent beaucoup d'affection pour cette grand-mère et puis surtout aussi de la tristesse. Et en même temps, c'est amené de manière très poétique, très belle. Et voilà, ça m'a fait pleurer. Et j'avais jamais vu ce genre de show drag. J'en avais vu dans le passé, de type un peu plus classique. Et ici, il y avait de la poésie. Ouais, il y avait vraiment cet aspect artistique et poétique qui m'a un peu troublée. Et j'aimais beaucoup la thématique aussi, de parler de soi, de se livrer un petit peu et d'emmener un peu le public avec soi. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être l'idée d'un film, et ça pourrait créer des ponts, ça pourrait justement parler à des gens comme à moi, à nous faire réagir aussi émotionnellement. Quoi. Oui, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer très vite que tu suivais quatre personnes non binaires par ailleurs. Tout à fait. Est-ce que ça s'est juste fait comme ça parce que tu es allé vers quatre artistes pour qui tu avais un coup de cœur et que tu voulais suivre, ou est-ce que c'était une volonté de ta part de suivre des personnes non binaires et des artistes drag non binaires? Oui, oui, alors tout à fait. C'était l'idée du film. C'était de suivre des artistes transgenres et non binaires et de les suivre justement parce que Yael déposait sur scène ses questions à leur public. Et il y avait cette idée de soigner sur scène qui me touchait énormément. Et pour moi, parler justement de non-binarité et transidentité à travers des personnages, donc d'abord de les rencontrer et de découvrir qui elles étaient, de comprendre leur personnalité, leur art, pour s'en rapprocher, ça me paraissait intéressant et peut-être même plus que de pouvoir aborder ces thématiques-là de manière plus pédagogique ou un peu plus, c'est pas scolaire, mais si scolaire. Alors maintenant, je vais me tourner vers les artistes qui sont au centre du documentaire. Qu'est-ce que ça vous a fait, du coup, Lilibeth et Joy, j'imagine Elisa est venue vous dire je veux faire un documentaire sur vous et autour de vous et de votre art. J'ai dit d'accord. Non, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite. C'était une époque où je sais plus si j'étais déjà dans Hippocamp. Non, Lilibeth m'avait déjà demandé d'être dans Hippocamp, mais on n'avait pas commencé encore. Et donc déjà ça c'était un choc parce que je venais de commencer le drag depuis 6 mois. Donc ok, t'es sûr, genre j'y crois pas, pensez-moi je rêve. Et puis du coup quelques mois après, Elisa qui me propose ce projet avec aussi des copaines, allez quoi. Ouais. J'ai jamais fait de film, ça doit être fun. Et ça fait quoi de se voir à l'écran? Ça fait un peu bizarre. Des fois j'aime bien, des fois j'aime moins. Mais, euh, mais je le sais pour la bonne cause, donc ça va. Oui, et oui, du coup, petit mot de contexte, donc Hippocampe, c'est un projet autour, justement, autour du drag que tu as dirigé et mis en scène, il me semble, oui, Lily Bess. Tout à fait. Et qui a été créé donc en 2022-2023. Oui, qui a été le point de départ, c'était en 2018 dans mon école de théâtre Kellensas, et où je commençais moi à vraiment m'intéresser à l'art drag et à me rendre compte que au sein de notre école, on avait eu pendant les 4 ans d'études plein de cours qui venaient toucher à des éléments du drag, c'est-à-dire des cours de danse, des cours de chant, des cours de maquillage, des cours d'improvisation, mais jamais tout ça réuni en un seul art, et le drag pour moi réunissait tout ça. Et donc je m'en suis emparé et je l'ai proposé lors d'une carte blanche à des gens de ma promotion. Et en sortant de l'école, moi je suis parti carrément dans le courant drag. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres vaisseaux, d'autres membres, collègues. Et j'ai réuni tout le monde dans un gros spectacle qui était donc une œuvre collective qui faisait 3h30. Oui. Et qui était vraiment super et qui a tourné dans des grosses institutions théâtrales de Bruxelles et d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, pour revenir au sujet du jour, parce que je vais me retenir de parler d'Hippocampe pendant une heure, qu'est-ce que toi, ça t'a fait du coup quand Elisa est venue te demander de participer à ce... Alors, moi, je connaissais Elisa avant qu'elle vienne me voir, parce que j'avais vu son premier documentaire, Les Nouvelles Guerrières, qui m'avait mise par terre de... C'est un très beau documentaire, un très bel objet, et qui m'avait vraiment touché, ému, mais qui m'avait aussi donné beaucoup de force pour mes combats militants. Et donc, quand Elisa m'a proposé ça, j'ai fait « bah oui, merci ». Enfin voilà, il y avait vraiment, ça a résonné très très fort en moi, cette proposition. Mmh. Et donc oui, donc, Les Nouvelles Guerrières, c'est ton premier documentaire autoproduit, oui, où on suit 9 collectives féministes en 2020 au moment du Covid, tout à fait. Oui, un moment du coup très très dur pour tout le monde, dur justement dans le milieu militant parce que il ne permettait pas de se rassembler. Et c'est vrai que moi de mon côté, j'étais bloquée de tout travail. Je n'avais pas la possibilité de filmer et donc du coup du temps pour moi. Mais ce qui était assez génial, c'est que en contactant ces collectives, elles avaient besoin. En fait, elles étaient heureuses de ma demande parce que elles étaient bloquées. Donc c'était l'opportunité de pouvoir continuer à ce militantisme et cette communication, mais à travers un autre média qui était la vidéo. Donc voilà, on se cachait dans les parcs et avec nos masques et on et bon, il y a eu quand même quelques actions qui sont faites pendant le Covid parce que voilà, mais c'était vraiment une belle expérience quoi. Ouais. Mais de manière un peu plus bricolage quoi, avec les copaines qui tenaient la perche et moi qui étais un peu qui tenais plusieurs casquettes. Et malheureusement, donc c'est un documentaire qui n'est plus disponible au grand public aujourd'hui, mais on disait en préparation de l'émission qu'il y a régulièrement des projections organisées, notamment autour du 8 mars. Tout à fait. Et donc, guettez les quelques occasions de voir le film, chers auditeurices. Mais donc, j'ai un souvenir maintenant. Il y avait eu une projection à Homographia, je ne sais pas si tu te souviens, et tu étais interviewée. Et au moment des questions, j'étais une des personnes à lever la main pour te poser une question. Mais non. Tu te souviens pas ? Oh loulou. Maintenant, ça vient de me popper dans ma tête. Mais Homographia où ? Purée, c'était encore au tri... Non, alors... Pardon. Au tri-postal, mais oui. Au tri-postal, ouais. Oh oui, je me souviens, c'était une super soirée. Oui, oui, oui. Oh. Et donc, ouais, t'as posé une question ? Oui. Oh loulou. Oh waouh. Voilà. Wow. Vous connaissiez avant de vous connaître. Cinq ans après, ouais, c'est ça. Cinq ans après, tu t'en rends compte, toi. Ben oui, à chaque fois je... C'était une magnifique soirée. Il y avait beaucoup de monde et c'était très très chouette l'ambiance. Oui, super. Ouais, très chouette. Mais alors justement, on parle de 5 ans. Famille choisie, ça commence, tu disais, donc avec Not Allowed Glitter Time, qui est un collectif drag qui a vécu en 2020-2021. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a en tout cas les premiers contacts et les premiers éléments qui se mettent en place. Et le documentaire sort en 2025, mais comment ça se fait que ça dure aussi longtemps de faire un documentaire ? Parce que je n'arrivais pas à m'arrêter, je les aime trop. Donc, je crois qu'il y avait ce sentiment de... C'est une bonne question, en fait. C'est vrai que ça a duré le temps qu'il fallait, mais je pense que... Bon, alors évidemment, il y a tout ce processus qui est quand même très, très long. Hein, c'est pour ça que je débarquais. Quand on est soutenu par une production, il faut rentrer des dossiers, il faut trouver des financements, des choses... Enfin, on a galéré pendant les 4 années, quoi, à trouver des sous. Mais donc, voilà, on a mis, allez, grosso modo, 2 ans à trouver vraiment le budget, mm-hmm. avec de temps en temps des petites donations comme ça, par-ci, par-là, qui nous permettaient de faire un tournage ou deux. Mais voilà, ça a duré le temps qu'il fallait aussi, peut-être parce que, en fait, j'ai l'impression que je les suivais donc depuis les squats. Mais ce qui est formidable, c'est que, et c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à m'arrêter, c'est que plus le temps passait et plus leur activité était intéressante, conséquente. On arrivait dans les théâtres institutionnels. Il y avait tellement de choses qui faisaient sens dans cette évolution de ce que Yael, d'où Yael venait et d'où Yael voulait arriver, que voilà, je crois que c'était important d'aller jusqu'au bout de leur trajectoire. Oui, et d'ailleurs ça pour moi c'est aussi une des grandes qualités du documentaire, c'est qu'on montre en fait énormément d'aspects du drag. Donc dans le documentaire il y a du shooting, il y a du show, il y a des moments pédagogiques où on voit Mama Tituba donner un atelier drag king, il y a des réunions de travail, on voit des squats, on voit des sous-sols, on voit des bars, on voit des grandes scènes, on voit des studios photos. En fait, on voyage, et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien en tant que drague de voir ça. C'est que souvent, j'ai l'impression que les personnes voient une toute petite partie de notre métier. Mmh. Et j'avais vraiment l'impression que ce documentaire, alors au-delà, et ça on en parlera dans la suite de l'émission, du trajet humain et de tout le côté humain que tu arrives à donner aux personnes au centre du documentaire, tu nous représentes, nous drague vraiment très, très bellement, très bien, quoi. Ça, c'est super, merci. Évidemment. Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que le fait que c'est duré aussi longtemps, l'archivage de nos vies, ça a été important surtout pour aussi nos relations avec nos familles, avec qui les relations ont grandi par rapport à nos transidentités. Quand tu parles des familles... Nos familles ouais, biologiques qui nous ont éduqués, parce qu'avec ces familles-là, quand on a commencé Not A Lot Glitter Time, par exemple, je parle pour moi, j'étais baby drag, mais j'étais aussi baby trans. et les conversations avec ma mère, avec mes parents et tout ça, elles étaient vraiment au tout début. Et je pense que ce qu'on voit dans le film, par rapport à ma mère, ce que ma mère raconte, etc., c'est des conversations qui sont très importantes, mais qui n'auraient pas pu avoir lieu avant. Mmh. Donc, pour moi, je suis très très contente qu'on ait pu étirer comme ça le temps du documentaire pour avoir ces conversations-là. Ouais. Et ouais, Joy, de ton côté, parce qu'il y a une très belle scène où on sent une petite maladresse de la part de ta maman au moment de parler de ton identité qui évolue, de parler de tout ça. Toi aussi, tu sens que ce trajet long, ça permet aussi de donner une idée aussi du trajet long qu'il y a dans la transidentité, dans la non-binarité par rapport à nos familles, par rapport à tout ça. Bah, ce film, c'est documenter une tranche de nos vies, et pour comprendre toutes les couches qui les composent et tous les tenants, les aboutissants, ça n'aurait pas pu se faire en une heure ou en une année, en fait. Parce que déjà, enfin voilà, l'humain est complexe, et par rapport à la relation que j'ai avec ma mère, l'éloignement et la distance qu'il m'a fallu à un moment donné, ce projet de film a permis de... Comment dire, j'avais besoin de cette distance. Et du coup, avec ce film, on a pu recréer, retisser des liens. Et elle a pu mieux comprendre... la raison de mon départ, en fait, c'est surtout ça. Donc, effectivement, ça n'aurait pas pu se faire plus rapidement, parce que mm-hmm. je mets aussi du temps à processer les choses, et elle aussi. Ah ouais. Donc, voilà. Et puis, il y a eu l'avant hippocampe. Hippocampe, il faut bien se rendre compte que c'était la première fois que ma mère me voyait en drague, me voyait en Mama Tituba, dans une production, dans un théâtre. Je sais pas si vous vous rendez compte du choc. Mais ça, oui, d'ailleurs, t'en parles dans le documentaire. Donc, c'est la soirée des premières fois, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, le fait d'avoir aussi les réactions après et les discussions un an après, c'était hyper important, quoi. Mm-hmm. Tiens, est-ce que j'imagine que vos familles ont vu le documentaire. Est-ce que ça relancer des discussions ou est-ce que ça a amené une nouvelle couche dans votre rapport à vos familles après qu'elles aient vu parce qu'aussi, et ça, bon, on en parlera dans la suite, mais c'est aussi un moment très beau, c'est que ça s'appelle Famille choisie, mais le documentaire parle aussi beaucoup du rapport aux familles de sang, aux familles dans lesquelles on est né, qu'on le veuille ou non. Mais du coup, peut-être d'avoir aussi entendu quels sont les rapports des autres familles aux autres personnes du documentaire, est-ce que ça a fait bouger les lignes pour vous, avec vos parents? Alors moi, ma mère était là pour la première au Palace. Donc ça a été un sacré choc. Vraiment, je l'aménage pas du tout. oui, ça a remis de l'eau au moulin. On a été prendre un temps après, avant son départ. Et effectivement, on a reparlé de certaines choses. Donc ça a réouvert d'autres discussions sur d'autres sujets. Donc c'est bien. On discute que en spectacle et en film. C'est super. Super. Et donc ça continue à faire son chemin et à se digérer et à évoluer. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Super. Ouais, je pense d'ici une vingtaine d'années, on sera bon. Et de ton côté, Lily Bess, ça a fait bouger les lignes? Alors, ma mère, malheureusement, ne pouvait pas être présente pour le voir dans la salle. Donc, elle l'a vu sur son ordinateur avec un petit lien. Et alors, elle l'a vu 20 fois. Arrête. Non, je vous promets. Apparemment, elle est en boucle dessus. Enfin. Mais oui, n'importe quoi. Et elle le regarde par tranche parce qu'en fait elle est tellement émue à chaque fois de toutes nos histoires et tout que voilà. Et donc on a de nouveau des discussions. Après c'est des discussions peut-être qui sont pas forcément par rapport à moi. Et ça, c'est peut-être bien aussi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les autres membres qui sont dans le documentaire pour parler de transidentité. Et donc ça permet de prendre de la distance aussi. Donc on peut ouvrir les conversations quoi. Mm-hmm. Ça c'est sûr. Oui, oui, je crois que la mère de ma fille l'a vu au moins une dizaine de fois aussi. et effectivement, en fait, par rapport à la question que tu posais là des familles entre nous, c'est vrai qu'on avait déjà des discussions. Enfin, moi, je sais qu'avec ma fille, on parle quand même souvent du rapport qu'on a à nos familles. Donc, je parle de ma fille parce que c'est la personne dans laquelle je suis peut-être un peu plus proche des quatre. 5 avec Baxter. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose quand même dont on parle régulièrement, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ça, on n'en a pas parlé en jusqu'à présent, mais ça devait être quand même un sacré truc de. Bah alors, pour toi, Elisa, de proposer à ces personnes et à ces artistes de se livrer sur autant de. Sur autant de sujets, dans autant de facettes des eux-mêmes, et du coup, pour vous, d'y aller, ça s'est fait comment? Ça s'est négocié comment Mais je crois que, du coup, pour revenir justement sur la longueur de la production de ce film, ça a énormément aidé. C'est-à-dire qu'on a créé des liens, on s'est fait confiance, on a appris à se connaître. Et elle pouvait voir aussi comment fonctionnait un film, le côté aussi logistique, de devoir s'imposer, de prendre des rendez-vous, tout ça, mais petit à petit, on se voyait quand même régulièrement. Et je crois que ça a permis aussi d'apaiser les choses. Et elles m'ont fait assez confiance pour pouvoir se livrer, me parler en se disant que finalement le film valait la peine. Ou que, oui, une relation de confiance est établie, quoi, d'amitié. Et ça, c'est vrai que ça n'aurait pas pu se faire en un an. Quoi. Mm-hmm. Ça s'est fait quand même assez naturellement, j'ai l'impression. Ouais. Oui. Puis après, je trouve qu'on voit aussi très vite dans le film que tu connais ton sujet aussi en termes artistiques, parce qu'il y a, par exemple, il y a plusieurs performances qui sont filmées de bout en bout dans le documentaire et qui sont très bien filmées. Et filmer du spectacle vivant, c'est super dur. La plupart des captations de spectacle, c'est vraiment une horreur. C'est très difficile à regarder. Et là, je trouve, sans perdre le fil, et d'ailleurs, y a plein de moments qui sont quasiment des plans séquences dans ces performances filmées, t'arrives vraiment à capter l'essence de ces performances, quoi. Ça, c'est assez impressionnant aussi d'un point de vue. Tout à fait. Alors, il y a deux personnes à remercier. D'abord, Diana Voss, qui était à la caméra, parce que c'est elle qui s'est chargée donc, de ces captations à la Vénerie, qui a fait ça très bien. Alors, évidemment, toujours en accord, en échange, en dialogue avec moi, mais elle était à fond. Et pour ça, vraiment, elle a vraiment, comme tu dis, capté l'essence de parfois de l'énergie, je parle pour Drag Queen et, ouais. et Swan, enfin là il y avait quelque chose où elle bougeait, et alors ce qui est mignon c'est parce qu'elle est un peu plus petite que Queen qui est immense, et donc c'était magnifique parce qu'elle a rendu des plans où elle pivotait tout le temps, elle tournait autour de Yael, enfin c'était top, et pour les autres perfs aussi d'ailleurs. Et puis alors la Vénerie, parce qu'en fait c'était ça le problème, c'est que quand on avait beau filmer, refilmer, filmer des shows dans des bars, dans des cabarets, etc., on ne pouvait pas avoir ce luxe de pouvoir aller sur la scène, eh ben oui. Parce qu'on aurait embêté tout le monde, et les premiers, ça aurait été les premiers premières, les artistes. Donc on s'est dit, ok, là ça vaut le coup, parce que si on commence à parler de, si on veut mettre en avant leur performance et le contenu, il faut qu'on le ressente comme si on était seul à les visualiser dans le public. Et donc la Vénerie nous a, c'est la deuxième personne, que la deuxième entité que je voulais remercier, c'est parce que la Vénerie nous a prêté le lieu gratuitement, et du coup on a pu faire un truc superbe. Oui. Dans des super bonnes conditions avec Malo, régisseur. Bref, c'était super, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, d'ailleurs, Lily Beth, parce que si je me souviens bien, ta performance à toi, Joy, c'est pendant Hippocamp, ou c'était aussi tourné à la Vénerie en... Il y en a deux, en fait. Ah oui, c'est ça. Il y en a une qui est tournée à la Vénerie. J'allais dire qui est tournée à Hippocamp. Ouais. Donc, tournée à la Vénerie. Mais c'est sur une performance Respire de Gaël Faye. Ah oui, sauf c'est ça. Qu'on n'avait pas les sous pour, on avait pas pour payer les droits de Gaël Faye. Ah du coup, true story. Ouais. Donc, du coup, voilà, Elisa a fait une petite pirouette artistique. Ouais. C'est ça. Et le deuxième, c'est effectivement... oui, c'est ça. Belle plante. Ouais. À Hippocamp. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait en tant qu'artiste vivant, peut-être pour toi, Lily Beth, j'imagine que vous avez dû faire plusieurs fois la performance pour que Elisa et Diana puissent la voir, la comprendre et puis la filmer. Qu'est-ce que ça fait de te voir... En plus, Lily Beth, toi, la performance qui est dans le documentaire, c'est une performance qui est très intime parce que c'est une lettre à une personne qui t'a agressé. Qu'est-ce que ça fait de refaire et refaire et refaire et de garder cette qualité de plan en plan Alors, ce qui était intéressant, c'est que cette performance, j'ai l'habitude de la lire. Je lis la lettre que j'ai écrite. Et là, Elisa m'avait demandé justement d'apprendre le texte pour pouvoir vraiment ne pas mettre une distance, un mur entre la caméra et moi. Mm-hmm. De ne pas me cacher derrière l'objet oui. papier, en fait, l'objet lettre. Ouais, en plus, on accroche ton regard vraiment pendant la perf et tout. Et donc, ça a vraiment été comment je transforme cette caméra en étant possiblement le regard de mon agresseur. Donc, ça c'est venu effectivement encore plus creuser dans le côté intime parce que c'était pour la première fois m'adresser dans les yeux de mon agresseur. Donc, il y avait un truc qui... On l'a fait plusieurs fois et au début, j'étais assez timide. Dans mes souvenirs, j'étais assez... surtout avec cet énorme chapeau que j'ai sur la tête, qui n'est pas le meilleur truc pour être grandiloquent, on va dire. et en fait, c'est venu petit à petit. J'ai aussi compris... avec Elisa qui me dirigeait, comment je pouvais créer du jeu avec mes bras et avec le voile de mon chapeau. Donc en fait, c'était ce que Elisa a capté était une nouvelle performance. Oui. Tu vois, qui n'avait jamais été faite avant parce que je ne la faisais pas du tout comme ça d'habitude. Quoi. Donc ça a permis ouais, des nouveaux trucs. Quoi. Et okay. Puis c'était beau, ouais, c'était assez du coup, organique, mais c'était soudain. Et je me souviens que toi, tu étais assez contente. Plus on faisait des prises, plus tu étais là, c'est chouette. Et du coup, on avait vraiment trouvé... tout un lot de mouvements qui étaient vraiment très beaux et qui sublimaient un peu le... Oui, c'est beau. Ouais, et de se dire que bah, c'est s'adapter à un nouveau médium et du coup repenser... Réinventer, quoi. Réinventer, ouais. À fond. Et de ton côté, Joy, ça a été comment de filmer des perfs? Oh, t'étais malade. Moi, j'avais la grippe. Et le pauvre, il était j'adore. HS. Donc, je m'en souviens pas trop. Mais en plus, il C'était un long tunnel et t'étais content d'être au bout. Ouais, vraiment, vraiment. C'est chaud. Il a tout donné. À chaque fois qu'Elisa me demandait de la refaire, je suis là, ok. Plus, c'est un reveal où à chaque fois j'enlève des morceaux de costume. Et du coup, à chaque fois, il fallait les rescratcher, les re-enlever. Il était en PLS et pourtant tellement pro. Ok, on l'a refait, oui. D'accord. Donc, tu ne regrettes pas du tout d'avoir choisi cette performance-là. Comment non, ça s'est choisi? C'est le métier qui rentre. Voilà, c'est toi qui as choisi que ce soit cette performance-là que tu fasses? On a hésité avec ma performance Iron sur Woodkid. Et je sais plus pourquoi. Toujours des problèmes d'argent. Ah oui, aussi. Woodkid non, trop mais cher. Non, il y avait une autre. Avait... Oui, aussi cher. Uh-huh. Mais En fait, ce qu'on aimait beaucoup avec. Enfin, si je peux me permettre. Hein, de... Mais je t'en prie. Je te remercie. Mais je vous en prie. C'est moi. En fait, ce qui était génial avec Respire, c'est que l'idée était j'en peux plus, métro, boulot, dodo, j'ai besoin de respirer. Et on trouvait ça super intéressant dans justement la trajectoire de Joy, qui quittait son métro boulot en France pour se réinventer, embrasser sa non-binarité, devenir drague, et donc de se lancer dans quelque chose pour pouvoir respirer. Et donc au début on était là, mais génial, ça fonctionne trop. Mais voilà, les sous n'étaient pas là non plus pour failler. Donc mais c'était vraiment. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'heureusement dans cette idée de respirer, on a ces scènes à la boxe où Joy. Ouais. Voilà, s'entraîne régulièrement et ça fonctionnait aussi par rapport à d'autres thématiques. Donc on a eu de la chance, en fait, les choses étaient. Il y a eu beaucoup de mouvements pendant ces 4 ans. Oui, après, c'est toi qui tisse des liens. Je veux dire, j'aurais choisi l'autre performance, t'aurais aussi. Enfin, je veux dire, c'est ton talent, quoi. Ah, ok. Oui. Je sais pas, c'est pas si facile. Je vous en prie. Bien, et ben je vous propose, parce que le temps file, de faire déjà une première pause. Vous nous avez amené un premier morceau qui est Insortable, du Talus. Yeah. Peut-être Joyce, tu veux dire deux petits mots sur qu'est-ce que c'est ce morceau? C'est un artiste qui monte beaucoup, que j'ai rencontré à la Feu la 404, sans mauvais jeu de mots. C'est tout le crew de la Gender Panic, qui sont des copaines queer. Et j'adore ce morceau, je l'écoute tout le temps parce qu'il est tellement punk. Et en fait, il montre bien la queerness ici, à Bruxelles. On ne s'excuse pas, on est là, on occupe l'espace. Et les mascus, gare à vous, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien que ce soit pour une fois des Belges et pas des Américains ou des Français. On s'écoute ça. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est Freaks et Merveilles. Et on vous retrouve juste après ça. Bonne écoute. Moi j'entends cœur et droite de moi j'entends la tout. Putain, t'es. Ben je vois rien avec mes lunettes surtout. Et vous nous donnez le go, c'est quand? C'est là. Évitante, dans la Twingo Tati. On débarque sur le terre-terre, tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Hey, j'suis 12 fois amoureux, j'sais même plus où poser les yeux. Ma team, c'est des rageux, que soit leur manière, sont tapageuses. Et elles sont insortables, émotions instables, flow imbattable, tension palpable. Quand on arrive en villa, c'est pas pour le shopping, non. Gaffe à ta fortune, égare au mass spreading. Bienvenue dans l'hémicycle des dissipés du fond de la classe. Tricheuse, imprévisible, souvent seulement en manque de cash. Difficilement divisible, langoureusement illicite. Ça fique et sodomie, tourner les rats du récidiviste et vite inter. Dans la Twingo Tati, on débarque sur le terre-terre. Tu peux pas tester, on est déter. Casquette et lunettes noires, paire de petites biches sur la plage arrière. Let's go, tout parti, gender paniqué de sortie. Posé dans le bâtiment, barricadé, serrurgie chant. Ça fume le CBD, conspire la suite des événements. Et première règle, pas de flic inside. Deuxième règle, partage la maille. Troisième règle, spread the love. Et dernière règle, masque dans le coffre. Ma team a les mains agiles, ouais c'est plus du vol, non c'est du pillage. Ma team a l'arnaque facile, a la manière d'en fumer le chômage. Y'en a, c'est l'écume des journaux, on est plutôt qui m'a mis l'histoire. Blablabla, bla, bla, tu causes pour ta cause, on parle pas ta langue, on est des sauvages. Blabla, bla, tu crois qu'on a besoin de toi, on style des sextoys à la scie sauteuse. Qu'est-ce que tu crois et tu fais pas le poids sans doigt, ta main ne sera plus baladeuse. on n'attend pas le danger. On a des cascadeuses, on prend pas le rinté. Elle a des casseuses, on fait pas chanter. Hey, on est des larpeureuses, et vite tenté, vite tenté. Dans la Twingo Tati, on débarque sur terre-terre. Tu peux pas tester, on est des terres. Casquettes et lunettes noires, paire de pieds de biche sur la plage arrière. Ah, let's go tout parti, viens leur paniquer de sortie. La street elle est à qui? Elle est à nous. Les fashion détestent, pourquoi me passent? Parce qu'ils sont jaloux. Et t'es en 6 nulle part, couleur de partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est, on trace, on avance sans vous. Si tu veux notre cul, va falloir allonger. Si t'ouvres trop ta gueule, tu vas te faire allonger. Même si on fait que passer les murs, tu vas allonger. Plus de seum dans ton verre, t'inquiète, c'est ma tournée. Vengeance y paraît, froid doit se manger. Moi j'en ai rien à foutre de tes proverbes pétés. C'est riposte immédiate, à peine t'as commencé. C'est la jeune heure panique, tu fais bien paniquer. La street elle est à qui? Elle est à nous. Les fachos nous détestent, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Et t'es aussi nulle part, queers on partout. Plus le temps d'être en retard, ça y est on trace, on avance sans vous. ACAB, eh bien à vous, AK bisous. Trop bien. Ah, merci de nous avoir apporté le talus. Yes. Mais de rien. C'est toujours un bonheur. Le talus qui sera. Ah, mais oui, ah. Alors, en fait, ce sera pas. Ça ouais. Sort début juillet, donc je crois que ce sera. En fait, mais bon. À mon avis, elles seront dans des festivals d'été ou quoi, en tout cas aller voir, parce qu'à mon avis sur scène, moi je les ai jamais vus sur scène, mais ça doit déboîter quoi. Mmh. Ah ouais grave, bah faut les suivre. Hein. Eh ben oui, à fond, à fond, à fond. Bien, nous revenons dans Freaks et Merveilles. Alors on l'a déjà un peu dit en pointillé, mais c'est un documentaire qui met quand même la violence à l'égard des personnes trans ou PD ou autres, en tout cas les ce qu'on appellerait personnes LGBT+, ou les personnes queer, assez au premier plan. Il y a plusieurs récits de violence, il y a plusieurs situations où, bah, par exemple, Libes, tu compares la situation à Berlin et à Bruxelles, etc. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'on ne reste jamais sur le fait de violence comme étant une fin en soi. Par exemple, à un moment, Massy parle du fait qu'un jour quelqu'un lui a craché dessus, mais du coup il se dit mais en fait je me demande pourquoi cette personne fait ça, qu'est-ce qui arrive dans sa tête, etc. C'était une volonté de ta part de à la fois parler de violence, mais aussi la décortiquer et voir comment on... Bah, je crois que c'est un peu les artistes qui me l'ont soufflé en fait cette idée, parce que la thématique du film c'est déposer pour soigner, pour essayer d'apaiser quelque chose, ou en tout cas de pouvoir déposer quand... on n'a pas la chance de le faire dans la rue quand on se fait agresser. Et donc je crois que ici, les artistes non seulement parlent des violences, parce que c'est crucial d'en parler, pour qu'on se rende compte de leur quotidien, mais de la même manière que elles le font sur scène, moi j'ai essayé d'amener aussi cette réflexion derrière de comment dépasser ça, de comment pouvoir essayer un peu d'avancer sans trop de haine, mais l'idée c'était de montrer que la violence existe, mais il fallait aussi montrer qu'elles avaient une envie insoutenable de continuer, de s'améliorer professionnellement, enfin d'avoir des buts dans la vie, enfin que ça ne les cassait pas en fait dans leur vie artistique et personnelle. Et c'est ça qui était super fort. Et puis aussi pour un peu ne pas trop s'arrêter là. Ça fait du bien aussi parfois de voir des personnes qui en veulent. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ici, avec les artistes que je côtoyais, elles montraient qu'elles en avaient à revendre et qu'elles n'allaient vraiment pas s'en arrêter là. Quoi. Enfin, s'arrêter là. Mais oui. C'est... Ouais. Pardon, ouais, dis, en fait, chez nous quatre, même nous cinq artistes présentes dans le film, c'est notre manière de faire de l'art. C'est ça. Et ça rejoint notre manière de militer aussi. Notre militantisme, il passe par notre façon de faire résistance. Oui. Ça passe par utiliser nos quotidiens violents pour venir éduquer, pour venir proposer autre chose, pour venir toujours recréer du lien. Et oui, tout ce qu'on va voir dans le film, Massy, elle réécrit des paroles d'air qu'on pourrait connus, mais pour venir, c'est ce qu'il y avait dans Hippocampe, par exemple, pour venir justement parler des violences de rue, Drag Queen, qui va venir soit utiliser un moment dur de coming out au sein de sa famille à Noël, ou alors une phobie des oiseaux pour venir créer un numéro monstrueux, mais magnifiquement beau. Toi aussi. Oui, je parle beaucoup de mes, oui, de mes traumas, tout à fait. C'est mon fond de commerce, oui. Je vous ai bien éduqué. Mais oui, voilà. En fait, c'était ça, c'était l'idée de montrer cet art qui est quand même extrêmement, puissant. On part de l'intime pour essayer de le donner, le partager et puis de se reconnecter. Oui. Et voilà, je trouvais ça super fort. Et je crois que c'est aussi ça, le motto du film, en fait. C'est ce qu'il représente aussi. Mm-hmm. Donc oui, c'est ça. C'est à la fois comment sublimer les violences ou les traumas qu'on subit pour en faire un matériel artistique à partager. Mais aussi, moi, ce que je trouve très beau, parce que bon, moi-même, quand j'ai fait mon coming out non-binaire, plusieurs proches, en fait, ont eu très peur pour moi en disant « Mais enfin, tu vas te faire agresser dans la rue et tout. » Et je trouve une des forces du documentaire, c'est de dire « Eh ben oui, parfois, ça arrive, mais en fait, voilà, c'est pas la fin. C'est pas parce qu'on prend un coup, ou qu'on prend un crachat, ou qu'on prend des rires dans la gueule, que notre vie s'arrête. En fait, notre vie continue. Et oui, on préférerait... Ben, comme tu dis très bien, Lily Bess, on préférerait vivre dans une ville où on nous complimente au feu rouge sur notre tenue plutôt que dans une ville où on nous crache dessus. Mais on ne va pas s'arrêter pour autant, quoi. Oui, tout à fait. Super. Moi, je voulais aussi parler de ce rapport aux familles nucléaires, toujours, mais qui est quand même dans un des centres de gravité du documentaire. Comment ça s'est passé aussi par rapport à vos familles? Pour qu'elles figurent dans le documentaire. Comment ça s'est passé pour leur demander parce que j'imagine aussi que... Alors à la fois, je trouve qu'il y a un côté qui paraît très spontané dans les scènes avec vos familles respectives, mais en même temps, en y repensant, et c'est marrant parce que j'y pense que maintenant, mais en fait, il y avait une caméra, ces personnes savaient que c'était un peu, entre guillemets, mis en scène. Comment ça s'est passé pour les inclure dans le projet ? Alors, pour ma part, ça s'est... C'est passé comme une lettre à la poste, vraiment. Je lui ai parlé du projet, elle a tout de suite dit oh oui, pourquoi pas, voilà, très bien. Oui, pourquoi pas. Et quand Elisa est arrivée, enfin, ils ont eu quelques échanges, mais genre, pas peur de la caméra. Oui, c'est ça. Hyper chill, hein, Michel. A Star is Born, quoi. Oui. De ouf, elle paraît très naturelle. Elisa était là pour... D'abord, ce qui se passait, c'est qu'on discutait un petit peu, voilà. Parce qu'à chaque fois, Elisa venait dans les familles, on faisait à manger, tout ça. Expliquer comment ça allait se passer, quel sujet on aimerait bien aborder, tout ça, tout ça. Et puis, petit à petit, Elisa s'efface et récolte ce qui se passe. Mmh. Mais en même temps, oui, ma mère, enfin, il y a des fois où Elisa sentait qu'on dévie un peu trop du sujet, donc elle dit « Ah oui, mais là, tu sais, j'aimerais bien que tu reparles de ça. Ah oui, non. » Et donc, ma mère recadrait, pjout, direct, et puis c'est reparti, voilà, une seule prise, merci, au revoir, voilà. Ouais, ok. Donc, mais je crois que, je crois que je parle aussi un peu pour les autres, qu'on a été très surprises par nos familles, en fait. Parce que... voilà, la grand-mère de Drag Queen, les grands-parents de Massy, c'est tous des gens qui ont donné de leur temps et qui n'ont pas eu peur d'aborder certains sujets où ils n'ont pas forcément toujours le bon rôle. Hein, parce que, voilà, moi, ma mère, de se voir, elle me l'a dit après, un peu en train de balbutier, de ne pas connaître exactement les termes et tout. Elle s'est sentie un peu bête à l'écran. Oui, elle est montrée aussi en vulnérabilité complètement, ouais. De son côté. Ouais. Et ils l'ont fait quand même, et ils l'ont fait pour nous. Mm-hmm. Donc, si ce n'est pas une preuve d'amour, je ne sais pas ce que c'est. À fond. Et toi, de ton côté, Lily Beth, est-ce qu'aussi, les discussions qui étaient filmées, c'était des discussions que tu avais déjà eues, ou est-ce que ça a été, en fait, aussi l'exploration de nouvelles zones ? On n'a pas tout, on n'a pas tout mis, on n'a pas tout montré parce que ma mère, quand tu la lances, ne s'arrête plus. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Oui. Okay. Je me demande de qui elle tient. Ah, ouch. Bah non, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude en plus, et ma mère a l'habitude d'être filmée pour mes projets parce que je fais ça régulièrement, d'aller l'interviewer et d'aller D'accord. lui poser des questions. Et elle est assez friande de ça d'ailleurs. Mais c'est un rapport aussi qui est assez chouette parce que c'est une personne que j'aime énormément et donc j'aime aussi pouvoir transmettre ce qu'elle a à dire à d'autres. Et dans notre conversation, il y a des choses qui m'ont étonné. Il y a des manières de se parler. Je pense que le fait d'avoir une caméra qui nous faisait prendre des rôles différents ou nous faisait nous parler de manière différente. Déjà, tu dois vraiment t'écouter quand il y a une caméra. Et oui. Parce que tu ne veux pas montrer au monde que tu coupes la parole de l'autre. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, tu es vraiment en mode, OK, attends, va jusqu'au bout de ta pensée. Ah, d'accord, c'est ça ta pensée. Donc, il y a une discussion qui s'est développée plus posément, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Super. Et puis, bah, évidemment, l'autre côté, c'est cette famille choisie qui se crée. C'est en plus, d'après ce que j'ai compris de mon côté, c'est une famille qui s'est aussi construite sur les 4 ans qu'a duré le documentaire. La famille avec Baxter, avec Émile. Si j'ai bien compris, c'est des personnes que vous avez rencontrées un peu dans le cadre de Not Allowed Glitter Time, etc. Non. Mais, ah non ? Non, on était amis avant. Je crois que c'était ouais, des copains. Ah oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Donc... C'est pour ça que je dis que là, Elisa a juste filmé une tranche de vie parce qu'on était amis avant. Alors moi, évidemment, ils sont devenus mes amis quand je suis arrivée à Bruxelles. Mm-hmm. Mais Massy et Émile, notamment, c'est les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée à Bruxelles en 2019, oui, c'est ça. Mmh. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et on est encore amis tous aujourd'hui. Donc, oui, super. Ouais. Cool. Donc ça, par contre, cette partie-là du documentaire, c'était plutôt venir cueillir quelque chose qui existait déjà. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas eu le sentiment que ça se construisait en parallèle de ce... Fatalement, une famille, ça se construit, ça se déconstruit. Enfin, je veux dire, ça vit. Donc, mais oui, mais vous connaissiez tous avant. Je veux dire, il n'y a pas eu de nouvelles rencontres pendant le docu, quoi. Non. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est quand tu dis famille choisie, je ne sais pas vraiment qui tu es en train de désigner. En tout cas, pour moi, dans le documentaire, vient poser cette question de qui est notre famille choisie. Et elle est à plein d'autres endroits. Dans le documentaire, ma mère fait partie de ma famille choisie. Parce qu'il y a un glissement qui s'effectue entre la famille subie qui devient une famille non subie. Et il y a ce retissement de lien. Et quand on parle de famille aussi, ce qui est super intéressant avec l'art drag et avec les communautés queer, c'est qu'on est venu, en plus de la famille choisie, on est venu aussi se recréer plein de types de familles. C'est-à-dire que dans l'art drag, il y a eu aussi la passation de connaissances techniques, artistiques, par des drag mothers, des drag fathers. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu recréer. Par exemple, Mama Tituba, tu es l'enfant de King Baxter et de Dame Lily Bess. Blanquette Lagoulue est aussi l'enfant de King Baxter. On est un peu tous frères et sœurs, oncle, tante, c'est un petit peu le foutoir. et ce genre de famille, on peut aussi retrouver dans les house, dans les communautés de voguing. Donc, qui est quand même différente du drag. Hein. Qui est différente du drag. Oui. Non, je veux dire, dans les communautés queer, comment est-ce qu'on a recréé de nouvelles familles choisies ou pas? Enfin, comment, voilà, on vient, ce thème-là, on vient proposer de nouvelles possibilités, en fait, de ce qu'on appelle famille. Oui, et ce que je trouve très beau, c'est que, et je trouve quelque chose qui est souvent oublié, notamment dans les familles nucléaires, c'est que... En fait, les personnes qui sont dans la famille choisie peuvent être les mêmes qui sont dans ce que tu appelles assez justement, je trouve, la famille subie. Parce que je trouve, enfin, en discutant avec des personnes, souvent il y a l'impression de ah oui, du coup, la famille choisie, ça veut dire que nous, on ne compte pas. Et tu dis bah si, en fait, vous faites aussi partie de cette famille-là, mais qu'à un moment, comme tu dis bien, on retisse et puis on doit par la force des choses aussi faire des deuils et laisser des personnes derrière parce qu'elles refusent qui on est et comment on évolue, quoi. Oui, ou juste parce qu'on n'a pas de lien d'affect. Enfin, moi, je me pose vraiment cette question, en plus en étant une personne adoptée, de pourquoi est-ce que je dois être en lien avec une famille qui m'est imposée alors que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. On se voit au mariage, aux enterrements. Enfin, ce sont des inconnus, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je devrais me confier à eux ? Pourquoi est-ce que je devrais... Non, ça n'a absolument pas de sens pour moi. Et alors, je voudrais quand même rajouter une petite nuance. C'est que dans Famille Choisie, on a la chance d'avoir encore du lien avec notre famille nucléaire. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes queer qui sont rejetées de leur famille et qui n'ont pas le choix de se trouver une famille choisie. Voilà, je voulais juste... Ouais, non, c'est très juste. Non, mais c'est bien. Et puis le film va aussi vers les personnes de la famille nucléaire qui, avec qui on savait que ça allait fonctionner. Mm-hmm. Je veux dire, par élu... Enfin, c'est vrai. Hein. Oui. On laisse dans l'ombre et on n'en parle pas en disant avec ces personnes-là, ça se passe très très mal. C'est cela. Mais on se rend bien compte que, par exemple, Drag Queen, c'est ses grands-parents qu'on va voir et pas le reste. Enfin, même chose pour chaque personne. Hein. Pointer du doigt certaines personnes en particulier, mais que... Oui, merci de le préciser. Bah, typiquement pour Quen, on voit aussi l'évolution. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mmh. Et c'est ça aussi qui est important de montrer, je trouve. C'est qu'il faut le temps, en fait. Le temps guérit quand même pas mal de choses et ça peut aller mieux. Mmh. Pas toujours, mais ça peut aller mieux. Et dernière petite remarque justement sur l'aspect famille choisie. C'est vrai qu'on parle de copaine maintenant. Moi, ce que je trouvais fort, c'est qu'au-delà de l'amitié, il y avait vraiment un vrai réseau qui s'est mis en place. Enfin, moi, je veux dire, on peut être copaines de loin, mais ce qui était beau dans ce film et ces personnes entre elles, c'est qu'elles se donnaient du taf, elles se faisaient confiance. Enfin, à un moment où personne ne croyait en leur drague, ou en, voilà, il y avait... Bah, on va le faire nous, vas-y, on va se donner du taf, on va créer ce show, on va créer cette pièce. Et je trouve que voilà, Famille Choisie, c'est aussi cette famille-là de se faire confiance et de se donner du taf et d'avancer ensemble, quoi. Yes. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Vu que j'aimerais que cet épisode dure 3 heures, mais ce n'est pas possible, nous allons passer au deuxième morceau musical que tu nous amènes, enfin que vous nous amenez. Et c'est It's Okay to Cry de Sophie. Est-ce que Lily Bess, tu veux nous en parler un petit peu, puisque c'est plutôt toi qui nous amène ce morceau? Oui, Sophie, c'est une musicienne et une productrice qui a révolutionné... récemment la musique et qui malheureusement est décédée. Et ce morceau-là, la première fois que je l'ai écouté, m'a transcendé, m'a guéri à un endroit. Et c'est toujours le cas à chaque fois que je l'écoute. Voilà. Parfait. Eh bien, on vous laisse donc avec Sophie, It's Okay to Cry. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. On se retrouve juste après ça. By saying this, I know that scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget I would know you best. Front door, that was you, never seen before. I saw the magazine you were reading, and I read the page. And if I had just one single wish, wish I could have said this. It's okay to cry. I'm high, was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay to cry. I see the truth through all the lies, and even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay to cry, it's okay to cry. There's a world inside you, I wanna know what it feels like. I wanna go there with you. Could we walk up a dark place? Maybe if we shine some light there, it won't be so hard. I wanna know this part of you. Why was that a teardrop in your eye? Never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry, it's okay to cry. I can see the truth through all the lies, even after all this time. Whatever it is, just know it's alright. It's okay to cry, it's okay to cry. It's okay to cry, it's okay to cry. Sophie, it's okay to cry. Et si vous avez l'occasion, allez voir le clip, il est assez splendide. Ça va toujours ? Oui. Oui. Oui. Oui. Mmh. Vous êtes et toujours sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. Alors, pour lancer cette troisième et dernière partie qui va être assez courte, hein, parce que malheureusement, le temps nous est un petit peu compté. Là maintenant, donc, on enregistre à la mi-juin, fin juin. Le film a quand même été projeté pendant 6 semaines à l'aventure. Oui. C'est quoi un petit peu les premiers tours ? C'est quoi le premier bilan que vous pouvez tirer de ces premières... Bon, en plus de l'aventure, il y a eu plusieurs projections où l'équipe était présente dans plusieurs cinémas à gauche, à droite. Qu'est-ce que ça dit pour le moment ? Moi, j'ai l'impression que les retours sont assez unanimes. En tout cas, moi, de mon côté, tout le monde a aimé. J'ai que des bons retours. Tout le monde a été touché, bon, à des endroits différents. Mais ouais, j'ai quand même reçu pas mal de messages après, des gens qui me connaissaient, mais pas forcément aussi des inconnus qui sont venus me voir en MP sur Insta. Trop bien. Pour partager leur... leur retour et tout. Voilà, moi j'avoue que j'ai surtout été touchée par les retours des personnes racisées, queer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ça m'a particulièrement touchée. Ah oui. Et donc beaucoup qui sont venus te dire merci d'avoir... Merci de parler pour nous. Oui, voilà, c'est ça, d'avoir merci été là. Merci d'aborder ces sujets-là, merci d'en parler à l'écran. Super, trop bien. Magnifique. Moi, j'avoue que j'ai accouché j'avais l'impression d'un bébé d'un éléphanteau. Voilà, oui, j'étais ça. Heureuse de lâcher ça et d'être là. Wouh! Et en plus, c'est vrai que le retour a été assez jouissif. Franchement, les copaines, la première au Palace, on était en famille. Il y avait juste toute la commune, 370 personnes présentes pour voir ce film qui nous a. Ouais. Je crois que ça nous a tous un peu remués, mais c'était magnifique. Et c'est vrai que les retours sont chouettes. Moi aussi, je reçois des petits DM, oh merci et tout. Enfin, non, mais c'est vrai que voilà, quand on porte un projet comme ça pendant 4 ans et que la vie à la fin de ces 4 ans, quand il sort, est de manière générale super positive, c'est oui, parce que ça remplit nos cœurs. Oui, ça doit quand même être un sacré saut dans le vide. Oui. Surtout pour toi, qui est allé chercher les financements, qui a rassemblé l'équipe, qui a tout mis en place. Mmh. Se dire ça va sortir et puis quoi ? Et puis pendant 4 ans, on est aussi dans le noir, quoi. On sait pas, on n'a pas vu le film, on a des bribes, on se fait confiance et on a, voilà, on sent que ça va aller. Mais tant que le travail n'est pas fini, on ne sait pas. Donc ouais. C'est vrai que quand il est clos et quand les gens le voient, le public le voit pour la première fois, moi, je me souviens, enfin, on a pleuré avec mon monteur Sébastien Calves, super personne. On était tous les deux là dans le cinéma. Et alors dès qu'il y avait un moment qu'on avait monté, mais remonté pour je sais pas, et alors que les personnes riaient, mais on n'en pouvait plus. On se regardait, ouais. Oh, ça a fonctionné. Enfin, c'est... Voilà, bon. Oui, parce que ça, quand même, alors, en tant qu'artiste vivant, ce qu'on appelle l'art vivant, donc on joue devant des vrais gens qui sont là en direct, c'est quand même un sacré truc de se dire que cet objet existe là. Donc c'est quand même c'était important pour toi d'aller en salle pour sentir les réactions du public à ce que tu... Ah oui. Parce qu'au final... Enfin, je dis tu, c'est vous, évidemment, quoi, mais tu étais un peu la chef d'orchestre et la personne qui a tout dirigé et tout... Tout poussé. C'était super important, ouais, parce que quand on le fait aussi pour les autres, je veux dire, on le fait, je l'ai pas fait pour moi. Enfin, ce film, je l'ai fait pour les artistes, pour le public, et parce que je trouvais que ça faisait sens et qu'il fallait qu'on le montre. Donc, du coup, quand on peaufine, on fignole pendant des semaines et des semaines dans le noir des choses pour donner de l'émotion et que justement cette émotion permette de créer des ponts ou que et que ça fonctionne, mais c'est, ouais, je suis presque ému, quoi. Enfin, je veux dire, ça. C'est gagné et ça c'est une victoire, ouais. Pour nous et toute l'équipe, quoi. Et pour vous, du coup, qui êtes aussi principalement des artistes, des arts vivants, qu'est-ce que ça fait de se dire que n'importe qui, n'importe quand peut aller regarder 20 fois de suite le film si ça lui chante? Moi, je suis très heureuse de ça. Je suis heureuse parce que à titre personnel, ce que j'ai vu du film, j'en suis contente. Mais aussi, comme j'ai assisté avec des gens autour de moi, j'ai vu ce que ça provoquait comme réaction, comme à des endroits qui, forcément, moi, ne me touchaient peut-être pas tant que ça, où je ne voyais pas les subtilités, etc. J'ai réussi à voir que ça a créé mouvement autour de moi. Et après, j'ai eu plein de discussions, j'ai eu beaucoup de retours et qui m'ont permis d'avoir une autre vision encore du film. Par exemple, la scène avec Joy et sa mère en train de couper des légumes, et où il y a le dead name qui revient souvent, qui est quelque chose que j'ai pu vivre dans mon quotidien avec les membres de ma famille, etc. On m'a dit, mais cette scène-là, par exemple, moi, je n'étais pas très à l'aise de cette scène. Et plein de gens m'ont dit, en fait, elle est très, très importante parce qu'on ne s'imagine pas ce que ça fait dans un quotidien. Et tu aurais pu me le dire, je ne l'aurais pas compris aussi bien qu'avec cette scène-là, qui nous met complètement dans la situation, en empathie avec Joy, et qui nous montre que quand tu es chez toi, dans ton intimité, même dans ta propre maison, tu n'es pas à l'abri de ce genre de des micro-agressions. Que quand tu es une personne trans, ça peut arriver de partout, et en un court temps, en 2 minutes, il peut en avoir beaucoup. Et c'est, voilà, ça met de l'empathie, ça met plein de choses. Et où en même temps, on sent très très bien dans le film qu'il n'y a aucune volonté de la part de ta maman, Joy. Voilà, c'est juste qu'elle essaye, c'est compliqué, elle se débat un peu et donc, ouais. Oui, il n'y a aucun jugement, il y a juste, mais en fait, voilà, remettons un peu de l'empathie, remettons de la souplesse dans toutes ces choses-là pour mieux se comprendre. Et donc, pour répondre à ta question, j'adore me voir à l'écran. Sans blague. Mais en dehors de ça, Lion ascendant Lion. Oui, voilà. En dehors de ce côté, de cette chose-là, je vois à quel point c'est important que cet objet existe et qu'il puisse devenir vraiment quelque chose à se donner, à se transmettre pour venir recréer du lien, quoi. Super. Et de ton côté, Joy? Moi, je ne suis toujours pas redescendue, hein, clairement. Oh. Je ne sais pas si je vais le faire un jour. Pour moi, il y a eu vraiment deux temps. Il y a eu cette première qui était un peu nos marches de Cannes à nous, quoi. Genre, voilà, on était tout beau, tout pimpé. Et c'est vrai que j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure pendant toute la séance. Donc, c'est un moment, je crois, que je n'oublierai pas de sitôt. Et puis il y a l'après, parce qu'on a quand même fait toute une tournée en Wallonie avec Elisa et les autres où on a été alors dans le désordre, hein, Tournai, Mons, Namur, Qu'est-ce que j'oublie ? Liège, entre autres, et j'en oublie certainement, je ne sais plus. Et plusieurs à Bruxelles. Et du coup, à la fin, il y avait des questions-réponses. Mmh. Et du coup, c'était trop chouette de vraiment voir les gens, de leur parler, d'échanger directement après LE. Donc du coup, en général, on venait, on faisait un petit coucou, on allait manger une frite et puis on revenait. Et du coup, là, tu vois la salle qui applaudit, qui est émue, ils ont tous les yeux mouillés et tout. Et il y a eu des super échanges, des personnes queer qui sont venues avec leurs parents. Il y a des échanges inoubliables qui se sont passés, quoi. Et pour ça, je suis vraiment content. Après, je crois que je réalise pas trop que j'ai livré mon intimité au monde. À la planète. À la planète. Mais comme les autres le disent, je crois que c'est vraiment d'utilité publique. Et par rapport à la scène avec ma mère, moi, j'ai énormément de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais oh là là, mais merci, c'est exactement ce que je vis chez moi, à la maison. Et ça fait trop du bien de le voir et de pouvoir en rire parce que vraiment, je me suis vue et... voilà, et ma tête décomposée, de 6 pieds de long, parce que je ne sais pas faire semblant. Et en même temps, de nouveau, il n'y a pas de fatalité dessus. Il n'y a pas de fatalité. Il faut aussi comprendre que ma mère, on communique que par téléphone, on ne se voit plus. Donc, il n'y a plus le quotidien aussi. Quand tu parles tous les jours, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu parles tous les jours de quelqu'un, que tu utilises son prénom tous les jours, bon, bah là, c'est une fois par semaine, quoi. Bien sûr. Donc, forcément. Mais ouais, j'atterrirai d'ici quelques années, tranquillement. On en reparle d'ici quelques saisons. Super, eh ben écoutez, l'heure tourne, il est déjà temps de clôturer le podcast, mais avant ça, j'ai mes petites questions rituelles que je pose à tous mes invités. Alors, à vous trois, sans le drag, sans la réalisation vidéo, sans tout ça, vous seriez devenu qui ? Vous seriez devenu quoi ? Qui se lance. Bah, rien que d'y penser, ça me fait bader, moi. Oh là là, je sais pas. Je sais pas si je continuerai à travailler dans des entreprises en tant que graphiste, ou si j'aurais quand même choisi au moins une voie militante et associative et je sais pas. Ok. Vrai, mais... Je bade de ouf. Je crois que je serais encore un mec hétéro, un mec cis. Ah ouais, sans le drag. Ouais, bah c'est le drag qui m'a permis de comprendre que j'étais une personne trans. Ouais, makes sense. Mm-hmm. C'est parce que j'ai eu un endroit pour m'autoriser à mettre des robes, tu vois, et être célébré à ce moment-là, que j'ai pu petit à petit me rendre compte de ce que j'avais mis en place comme prison dans mon quotidien, quoi. Performer le genre masculin, ouais. Ouais, de performer le genre masculin, tout ça. Oui, punaise, oh là là. Et moi, j'avoue que c'est compliqué parce que sincèrement, je ne sais pas. Enfin, vidéaste, ça m'est tellement venu de manière organique dans mon parcours et que je suis tellement heureuse de faire ça parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais il y a quand même un petit truc, je crois, quand j'étais plus jeune et même encore maintenant, en vrai, si tout fout le camp, fleuriste, ça me plairait beaucoup. Ah oui. Ah bah voilà. Tu vas t'entendre avec Lily Best alors. Mais oui, je sais, justement, on en parle après l'émission. Ah waouh. On va ouvrir notre petite boutique. Alors, si vous avez je vous fais les cartes de visite si vous voulez. Ah bah, pas là, mais tout se met. On a un plan B. Formidable. Si vous avez tout le budget du monde pour organiser un show, vous faites quoi ? Moi, si j'avais tout le budget du monde, j'organiserais pas un show, j'achèterais un cabaret. Oh, waouh. Parce qu'il y en a marre de courir après les scènes, là. Nous font un lieu. Ouais, j'ai déjà eu des hacks de j'organise un festival, mais j'ai pas encore eu de hack de j'achète un lieu. J'achète qui est le meilleur des hacks. Oui, c'est ça. Très bien. Les autres. Oui, j'allais dire ça. Je pense festival. Festival avec en invitant en fait le reste du monde pour voir justement tous les courants de cabarets qui peuvent exister dans tous les pays. Comment est-ce que le cabaret répond aussi politiquement à ce qui se passe dans ce pays-là. Donc, si j'avais tout l'argent du monde, j'aurais inventé les sauts dans le temps Et j'aurais carrément fait revenir oh, des camarades. Waouh! Lily Beth. Eh ben, on a dit tout l'argent du monde, hein, excusez-moi. Non, mais absolument. Presenting. C'est ça, quoi. Ok, ok, ok. Right. Et toi, Elisa? Mais moi, du coup, quoi, je le transpose au. Si j'avais un max de thunes, quel genre de production je pourrais faire vidéo ou... Ouais. Mais on ferait pas de l'art si Disons on avait un max ça. De thunes. Ah beaucoup ça y trop est, facile. La vraie face de Lily Beth sort. Moi, si un max de thunes me casse. Je m'achète un yacht. C'est Bye. Ça. Donc si t'as tout l'argent du monde pour faire, faire un film, un long métrage ou un documentaire ou... Ah, c'est vrai qu'à la base on voulait faire une série. Oh, wow. Des épisodes par personnage. Et donc de fiction. Alors non, une série, qui... ah non, une documentaire en suivant avec un vrai fil rouge et une vraie construction narrative des artistes drag. Ok. Ouais. Et du coup, ce serait ça. C'est vrai que ça pourrait être très très cool ça. Et en fait, c'était une des idées de base parce qu'à la base, je non, voulais. Non, mais j'adore. Mais ouais. Vous ne respectez pas du tout ma question, mais j'adore. Oh, pardon, désolé. Non, non. Elle dit, répond non, mais j'adore parce que je dis un show et tout le monde me dit j'invente le voyage dans le temps, je suis un vieux. Je fais une série documentaire. Je dis oui, mais la question, c'était pas ça. C'est les shows. Oui, c'est ça, c'est So Has Been. C'est So 2020, les shows. alors, est-ce que vous parlez beaucoup, votre corps et vous? Tu veux dire, est-ce qu'on se masturbe? Ah, ça vous calme. Hop. Alors, la réponse que vous voulez. Lily Beth. J'adore. C'est l'épisode de tous les possibles, donc allez-y. Ouais, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas totalement entendue. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas l'esprit ouvert ou quoi, mais mon corps et moi, est-ce qu'on se parle? Dans quel sens? Je crois que moi, je me parle beaucoup à moi-même, mais c'est encore autre chose, je crois. Ok. Mais ouais, j'ai du mal à répondre à cette question. Je sais pas, la relation que t'as avec ton corps, genre. Ça peut être je suis bien et tu vois, tout va bien. Ça va, on s'entend globalement de bien. Mm-hmm. Sauf quand Elisa boit trop. Alors là, son corps souffre. Les bleus sont là le lendemain. Et son corps lui envoie une grosse gueule de bois pour se venger. Et des bleus, donc voilà. Sinon, ça va, on se tolère. Moi, je dirais que ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où on s'entend bien, parce que j'en prends quand même soin. J'ai appris à prendre soin de mon corps vraiment depuis que j'ai conscientisé depuis que je suis devenue, en fait, drague professionnelle. Mmh. Et de me dire qu'en fait, mon métier, c'est mon corps. Et donc, je dois en prendre soin. C'est pour ça que je fais du sport, entre autres. Mais aussi pour s'ancrer dans... Enfin, ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Mais cependant, en tant que personne non binaire, ouais, on est d'accord une fois sur deux. Lentement, on n'est pas trop d'accord. Donc d'accord. Voilà, je pense qu'on mm-hmm. verra ce qui se passe. Mais... Ok. Lily Beth. Eh bien, on ne se parlait pas beaucoup avant. Et moi, j'ai un passif d'alcoolique et multi-addict. Et depuis que j'ai fait le vœu de sobriété. depuis ce moment-là, je commence à retisser un lien. Je commence à l'apprivoiser, à comprendre plein de choses et tout. Et notamment, je fais vraiment tout un accompagnement thérapeutique de soins corporels, de soins somatiques. Et où c'est tout l'enjeu de nos séances, c'est de venir ressocier. Non, c'est bizarre. Pour dissocier. Ouais, voilà, parce que mais t'associer. M'associer. Ouais, voilà. Et donc, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je dialogue avec lui, comment je l'écoute, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, etc. Donc, ça se fait petit à petit. Super. Eh bien, plutôt freaks ou plutôt merveilles, vous trois? Déjà, famille choisie en tant qu'objet, plutôt freaks ou plutôt merveilles? Freaks. Ou merveilles? Ah. Oh, je dirais les deux. Hein. Ouais. Ouais, j'aime bien quand je dirais freaks et merveilles. Ouais. Mm-hmm. Okay. Et ouais. Individuellement, vous? Bah, la dernière fois, j'avais dit freaks. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je vais dire merveille. C'est normal. Moi, je dirais freaks. Ok. Mm. Merveille. Lily Bess. Eh ben, merci beaucoup merci à vous toi. Trois d'être Merci à toi, c'était super. Ouais, c'était trop chouette de vous avoir. Et bah, du coup, très très très longue vie. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on espère que. Oui. Non, ce qui est chouette, c'est que là, voilà, les premières séances sont finies, mais il y en aura cet été. Des projections extérieures aussi au parc Josaphat où il y avait la laiterie. Ah, mais super. Où les shows playback avaient lieu. Et puis, à la rentrée, plein de petits événements dans lesquels. Le film se greffera. Trop bien. Et ça, on peut suivre très, très parce qu'il y a un compte Instagram. Il y a un compte Instagram. Famille choisie. C'est ça. Famille choisie. le docu. Famille choisie docu, je crois. C'est ça, pardon. Mais je le relayerai en tout cas sur les publications Instagram de Et puis, on est en train de l'inscrire en festival en Belgique et puis pour 2026 à l'international. Donc ça, c'est aussi des belles choses en perspective. Eh bien, le meilleur pour tout ça. Merci. Et puis le meilleur pour vous. Longue vie au drag et longue vie à vous trois. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Et voici qui clôture cette deuxième saison de Freaks et Merveilles. Merci à vous de nous suivre dans cet improbable projet qui dure maintenant depuis 2 ans et vient de dépasser les 10 000 écoutes toutes plateformes confondues. Moi non plus, j'en atterris pas trop de tout ça. Alors je prends des vacances pour l'été, mais je vous reviens probablement vers octobre pour continuer à explorer nos scènes queer et les personnes qui les font vivre. Et en attendant, il y a plein d'autres épisodes à aller écouter. Passez un bel été, qu'il soit au loin ou tout près, je vous souhaite de profiter de ce moment ralenti pour respirer un grand coup. On en a bien besoin. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, produite, montée, et tout ça par Croc. Les audios sont de King Baxter et les visuels de Maël Christin. Il est propulsé par Murmure ASBL et diffusé un samedi sur deux sur Radio Panique. Merci à LE. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.